Bonsoir, c'est Thierry Gilardi. Il existe un moyen de transport réservé à nos élus. C'est le métro des maires. Mais il peut arriver qu'une personnalité n'étant pas maire d'une ville monte dans le métro des maires pour solliciter l'aide des passagers. Bonjour mesdames et messieurs, je suis aussi le con, j'ai 78 ans et j'habite Saint-Cloud. Je m'excuse de vous déranger, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de solliciter votre belle signature afin que je puisse me présenter à l'élection présidentielle. Il fait le tour du wagon. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons la chance de recevoir un immense acteur français. Il s'agit d'André Dussolier, que vous pouvez voir dans Cœur, le dernier film d'Alain René où il joue le rôle d'un agent immobilier. Bonjour André. Bonjour. On vous retrouve donc actuellement dans Cœur, le film d'Alain René. Écoutez, si vous le permettez, j'aimerais donner un conseil aux auditeurs qui nous écoutent. N'allez pas voir ce film. Pardon ? Je vous conseille très honnêtement de ne pas aller voir Cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui développe une certaine morosité et que je me suis fait chier pour le tournage. Merde ! Le fan de sport que je suis s'est autant emmerdé en tournant dans ce film qu'en regardant les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Nous avons une équipe de merde ! Ça me rappelle aussi des chansons de Daniel Guichard, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai même son dernier disque live écouté. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frisant. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours, c'était la graine qu'il avait gagnée, comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Oui, tant pis.